Document 11. Nord-Sud. La maman de Julie arrive chez sa sœur en Provence. Comme il fait beau ici! Quelle lumière! Eh oui! Tu as vu, il pleut dans toute la France. Mais chez nous, il y a toujours du soleil. Quand je suis arrivée à la gare d'Avignon, il y avait du soleil. Mais il y avait aussi du mistral. Alors qu'ici, à 50 km à peine, il n'y a pas de vent. C'est incroyable. C'est parce que le Luberon nous protège. Tandis que là-bas, rien n'arrête le Mistral. Tu as bien fait de t'installer dans cette région. À Paris, il y a des cinémas, des cafés, des distractions. Par contre, il peut faire froid même en juillet. Eh oui, c'est le Nord. Mes voisins qui sont danois et qui ont de l'humour m'ont dit « L'année dernière, on a eu de la chance. L'été est tombé pendant le week-end ».